Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la surprise que nous réservons dans ce Caribe Varieté avec le premier showman panafricain, Lita Bembe, à Gabi, le Grand Libek. Eh bien, il nous revient avec une forme tout à fait spéciale de musique. La musique, bon, un peu, beaucoup de bon cours là-dedans. Une bibliothèque, la bibliothèque Ekonda, mais que vous allez vivre à travers ce air show en direct sur le plateau de Caribe Varieté. Peshomu Benga, si tout va bien, on peut permettre au public de découvrir sur ce plateau en direct les Grand Libek. Avec Lita Bembe dans Erso, une bibliothèque école. Invocation, chapitre 5, il n'y a pas encore. On dit qu'il est bon, Mangala. Mama, pasa, oh, yo, yo. Brita Christophe, na mama, si, bo.